L'œuvre par Émile Zola. Chapitre 1er. Claude passait devant l'hôtel de ville et 2 heures du matin sonnaient à l'horloge quand l'orage éclata. Il s'était oublié à rôder dans les halles par cette nuit brûlante de juillet en artiste flâneur, amoureux du Paris nocturne. Brusquement, les gouttes tombèrent si larges, si drues, qu'il prit sa course, galopa dégingandé, éperdu, le long du quai de la Grève. Mais au pont Louis-Philippe, une colère de son essoufflement l'arrêta. Il trouvait imbécile cette peur de l'eau, et dans les ténèbres épaisses, sous le cinglement de l'averse qui noyait les becs de gaz, il traversa lentement le pont, les mains ballantes. Du reste, Claude n'avait plus que quelques pas à faire. Comme il tournait sur le quai de Bourbon, dans l'île Saint-Louis, un vif éclair illumina la ville droite et plate, des vieux hôtels rangés devant la Seine, au bord de l'étroite chaussée. La réverbération alluma les vitres des hautes fenêtres sans persiennes. On vit le grand air triste des antiques façades, avec des détails très nets, un balcon de pierre, une rampe de terrasse, la guirlande sculptée d'un fronton. C'était là que le peintre avait son atelier, dans les combles de l'ancien hôtel du Martois, à l'angle de la rue de la Femme sans tête. Le quai entrevu était aussitôt retombé aux ténèbres et un formidable coup de tonnerre avait ébranlé le quartier endormi. Arrivé devant sa porte, une vieille porte ronde et basse, bardée de fer, Claude, aveuglé par la pluie, tâtonna pour tirer le bouton de la sonnette. Et sa surprise fut extrême. Il eut un tressaillement en rencontrant dans l'encoignure, collé contre le bois, un corps vivant. Puis, à la brusque lueur d'un second éclair, il aperçut une grande jeune fille, vêtue de noir et déjà trempée, qui grelottait de peur. Lorsque le coup de tonnerre les eut secoués tous les deux, il s'écria « Ah bien, si je m'attendais, qui êtes-vous? Que voulez-vous? » Il ne le voyait plus. Il l'entendait seulement sangloter, bégayer. « Oh, monsieur, ne me faites pas de mal. C'est le cocher que j'ai pris à la gare et qui m'a abandonné près de cette porte en me brutalisant. Oui, un train a déraillé du côté de Nevers. Nous avons eu 4 heures de retard. Je n'ai plus trouvé la personne qui devait m'attendre. Mon Dieu, c'est la première fois que je viens à Paris, monsieur. Je ne sais pas où je suis. » Un éclair éblouissant lui coupa la parole. Et ses yeux dilatés parcoururent avec effarement ce coin de ville inconnue, l'apparition violâtre d'une cité fantastique. La pluie avait cessé. De l'autre côté de la Seine, le quai des Ormes alignait ses petites maisons grises, bariolées en bas par les boiseries des boutiques, découpant en haut leurs toitures inégales. Tandis que l'horizon élargi s'éclairait à gauche jusqu'aux ardoises bleues des combles de l'hôtel de ville, à droite jusqu'à la coupole plombée de Saint-Paul. Mais ce qui la suffoquait surtout, c'était l'encaissement de la rivière, la fosse profonde où la Seine coulait à cet endroit, noirâtre, des lourdes piles du pont Marie aux arches légères du nouveau pont Louis-Philippe. D'étranges masses peuplaient l'eau, une flottille dormante de canots et d'ioles, un batelavoir et une dragueuse amarrés au quai. Puis là-bas, contre l'autre berge, des péniches pleines de charbon, des chalands chargés de meulières, dominés par le bras gigantesque d'une grue de fonte. Tout disparut. Bon. Une farceuse, pensa Claude, quelque gueuse flanquée à la rue et qui cherche un homme. Il avait la méfiance de la femme. Cette histoire d'accident, de train en retard, de cocher brutal, lui paraissait une invention ridicule. La jeune fille, au coup de tonnerre, s'était renfoncée dans le coin de la porte, terrifiée. « Vous ne pouvez pourtant pas coucher là, » reprit-il tout haut. Elle pleurait plus fort, elle balbutia. « Monsieur, je vous en prie, conduisez-moi à Passy, c'est à Passy que je vais. » Il haussa les épaules. Le prenait-elle pour un sot? Machinalement, il s'était tourné vers le quai des Célestins, où se trouvait une station de fiacre. Pas une lueur de lanterne luisait. À Passy, ma chère, pourquoi pas Versailles? Où diable voulez-vous qu'on pêche une voiture à 7 heures et par un temps pareil? Mais elle jeta un cri, un nouvel éclair l'avait aveuglée, et cette fois, elle venait de revoir la ville tragique dans un éclaboussement de sang. C'était une trouée immense, les deux bouts de la rivière s'enfonçant à perte de vue, au milieu des braises rouges d'un incendie. Les plus minces détails apparurent, on distingua les petites persiennes fermées du quai des Ormes, les deux fentes des rues de la Masure et du Pont Blanc coupant la ligne des façades. Près du pont Marie, on aurait compté les feuilles des grands platanes qui mettent là un bouquet de superbes verdures. Tandis que de l'autre côté, sous le pont Louis-Philippe, au Mail, les tons alignés sur 4 rangs avaient flambé avec les tas de pommes jaunes dont elles craquaient. Et l'on vit encore les remous de l'eau, la cheminée haute du batelavoir, la chaîne immobile de la dragueuse, des tas de sable sur le port en face, une complication extraordinaire de choses, tout un monde emplissant l'énorme coulée, la fosse creusée d'un horizon à l'autre. Le ciel s'éteignit, le flot ne roula plus que des ténèbres dans le fracas de la foudre. Oh mon Dieu, c'est fini. Oh mon Dieu, que vais-je devenir ? La pluie maintenant recommençait, si raide, poussée par un tel vent qu'elle balayait le quai avec une violence d'écluse lâchée. « Allons, laissez-moi rentrer, dit Claude, ce n'est pas tenable. » Tous deux se trempaient. À la clarté vague du bec de gaz scellé au coin de la rue de la femme sans tête, ils la voyaient ruisseler, la robe collée à la peau, dans le déluge qui battait la porte. Une pitié l'envahit. Il avait bien, un soir d'orage, ramassé un chien sur un trottoir, mais cela le fâchait de s'attendrir. Jamais il n'introduisait de fille chez lui. Il les traitait tout en garçons qui les ignorait, d'une timidité souffrante, qu'il cachait sous une fanfaronnade de brutalité. Et celle-ci, vraiment, le jugeait trop bête de le raccrocher de la sorte, avec son aventure de vaudeville. Pourtant, il finit par dire « En voilà assez. Montons, vous coucherez chez moi. » Elle s'effara davantage, elle se débattait. « Chez vous, oh mon Dieu, non, non, c'est impossible. Je vous en prie, monsieur, conduisez-moi Passy, je vous en prie à main jointe. » Alors il s'emporta. Pourquoi ces manières, puisqu'il la recueillait ? Déjà deux fois, il avait tiré la sonnette. Enfin la porte céda, et il poussa l'inconnu. « Non, non, monsieur, je vous dis que non. » Mais un éclair l'éboulit encore, et quand le tonnerre gronda, elle entra d'un bond éperdue. La lourde porte s'était refermée. Elle se trouvait sous un vaste porche, dans une obscurité complète. « Madame Joseph, c'est moi !» cria Claude à la concierge. Et à voix basse, il ajouta « Donnez-moi la main, nous avons la cour à traverser. » Elle lui donna la main, elle ne résistait plus, étourdie, anéantie. De nouveau, ils passèrent sous la pluie diluvienne, courant côte à côte, violemment. C'était une cour seigneuriale, énorme, avec des arcades de pierre, confuses dans l'ombre. Puis ils abordèrent un vestibule, étranglé, sans porte. Il lui lâcha la main. Elle l'entendit frotter des allumettes en jurant. Tout était mouillé. Il fallut monter à tâtons. « Prenez la rampe et méfiez-vous, les marches sont hautes. » L'escalier, très étroit, un ancien escalier de service, avait trois étages démesurés qu'elle gravit en butant, les jambes cassées et maladroites. Ensuite, il la prévint qu'il devait suivre un long corridor. Elle s'y engagea derrière lui, les deux mains filant contre les murs, allant sans fin dans ce couloir qui revenait vers la façade sur le quai. Puis ce fut de nouveau un escalier, mais dans le comble celui-là, un étage de marche en bois qui craquait, sans rampe, branlante et raide, comme les planches mal dégrossies d'une échelle de meunier. En haut, le palier était si petit qu'elle se heurta dans le jeune homme en train de chercher sa clé. Il ouvrit enfin. « N'entrez pas, attendez, autrement vous vous cogneriez encore. » Elle ne bougea plus. Elle soufflait, le cœur battant, les oreilles bourdonnant, achevée par cette montée dans le noir. Il lui semblait qu'elle montait depuis des heures au milieu d'un tel dédale, parmi une telle complication d'étages et de détours, que jamais elle ne redescendrait. Dans l'atelier, de gros pas marchaient, des mains frôlaient, il y eut une dégringolade de choses, accompagnée d'une sourde exclamation. La porte s'éclaira. « Entrez donc, ça y est !» Elle entra, regarda sans voir. L'unique bougie pâlissait dans ce grenier, haut de 5 mètres, empli d'une confusion d'objets, dont les grandes ombres se découpaient bizarrement contre les murs peints en gris. Elle ne reconnut rien, elle leva les yeux vers la baie vitrée, sur laquelle la pluie battait avec un roulement assourdissant de tambour. Mais juste à ce moment, un éclair embrasa le ciel, et le coup de tonnerre suivit de si près que la toiture sembla se fendre. Muette, toute blanche, elle se laissa tomber sur une chaise. « Bigre !» murmura Claude un peu pâle lui aussi. « En voilà qui n'a pas tapé loin. Il était temps. « On est mieux ici que dans la rue, hein ?» Il retourna vers la porte, qu'il ferma bruyamment à double tour, pendant qu'elle le regardait faire, de son air stupéfié. « Là, nous sommes chez nous. » D'ailleurs, c'était la fin. Il n'eut plus que des coups éloignés. Bientôt le déluge cessa. Lui, qu'une gêne gagna à présent, l'avait examiné d'un regard oblique. Elle ne devait pas être trop mal, et jeune à coup sûr, 20 ans au plus. Cela achevait de le mettre en méfiance, malgré un doute inconscient qui le prenait. Une sensation vague qu'elle ne manquait peut-être pas absolument. En tout cas, elle avait beau être maligne, elle se trompait, si elle croyait le tenir. Il exagéra son allure bourrue, il dit d'une grosse voix « Hein, couchons-nous, ça nous séchera. » Une angoisse la fit se lever. Elle aussi l'examinait, sans le regarder en face, et ce garçon maigre, aux articulations noueuses, à la forte tête barbue, redoublait sa peur, comme s'il était sorti d'un conte de brigand, avec son chapeau de feutre noir et son vieux paletot marron verdi par les pluies. Elle murmura « Merci, je suis bien, je dormirai habillée. » Comment habiller avec ces vêtements qui ruissellent? Ne faites donc pas la bête, déshabillez-vous tout de suite. » Et il bousculait des chaises, il écartait un paravent à moitié crevé. Derrière elle, elle aperçut une table de toilette et un tout petit lit de fer dont il se mit à enlever le couvre-pied. « Non, non, monsieur, ce n'est pas la peine, je vous jure que je resterai là. » Du coup, il entra en colère, gesticulant, tapant des poings. « À la fin, allez-vous me ficher la paix, puisque je vous donne mon lit, qu'avez-vous à vous plaindre? Ne faites pas l'effaroucher, c'est inutile. Moi, je coucherai sur le divan. » Il était revenu sur elle d'un air de menace. Saisie, croyant qu'il voulait la battre, elle ôta son chapeau en tremblant. Par terre, ses jupes s'égouttaient. Lui continuait de grogner. Partout, un scrupule parut le prendre, et il lâcha enfin, comme une concession. « Vous savez, si vous répugne, je veux bien changer les draps. » Déjà, il les arrachait, il les lançait sur le divan, à l'autre bout de l'atelier. Puis il en tira une paire d'une armoire, et il refit lui-même le lit, avec une adresse de garçon habitué à cette besogne. D'une main soigneuse, il bordait la couverture du côté de la muraille, il tapait l'oreiller, ouvrait les draps. « Vous y êtes, dodo, maintenant ?» Et comme elle ne disait rien, toujours immobile, promenant ses doigts égarés sur son corsage, sans se décider à le boutonner, il l'enferma derrière le paravent. Mon Dieu, que de pudeur! Vivement, il se coucha lui-même, les draps étalés sur le divan, ses vêtements pendus à un vieux chevalet, et lui tout de suite allongé sur le dos. Mais au moment de souffler la bougie, il songea qu'elle ne verrait plus clair. Il attendit. D'abord, il ne l'avait pas entendu remuer. Sans doute, elle était demeurée toute droite à la même place, contre le lit de fer. Puis, à présent, il saisissait un petit bruit d'étoffe, des mouvements lents et étouffés, comme si elle s'était reprise à 10 fois, écoutant elle aussi dans l'inquiétude de cette lumière qui ne s'éteignait pas. Enfin, après de longues minutes, le sommier cria faiblement, il se fit un grand silence. « Êtes-vous bien, mademoiselle ?» demanda Claude, d'une voix très adoucie. Elle répondit d'un souffle à peine distinct, encore chevrotant d'émotion. « Oui, monsieur, très bien. Alors bonsoir. Bonsoir. » Il souffla la lumière, le silence retomba, plus profond. Malgré sa lassitude, ses paupières bientôt se rouvrirent. Une insomnie le laissa les yeux en l'air, sur la baie vitrée. Le ciel était redevenu très pur, il voyait les étoiles étinceler dans l'ardente nuit de juillet. Et malgré l'orage, la chaleur restait si forte qu'il brûlait, les bras nus, hors du drap. Cette fille l'occupait. Un sourd débat bourdonnait en lui, le mépris qu'il était heureux d'afficher, la crainte d'encombrer son existence, s'il cédait, la peur de paraître ridicule, en ne profitant pas de l'occasion. Mais le mépris finissait par l'emporter, il se jugeait très fort, il imaginait un roman contre sa tranquillité, ricanant d'avoir déjoué la tentation. Il étouffa davantage et sortit ses jambes, pendant que la tête lourde, dans l'hallucination du demi-sommeil, il suivait, au fond du brasillement des étoiles, des nudités amoureuses de femmes, toute la chair vivante de la femme qu'il adorait. Puis ses idées se brouillèrent davantage. Que faisait-elle? Longtemps, il l'avait cru endormie, car elle ne soufflait même pas. Et maintenant, il l'entendait se retourner, comme lui, avec d'infinies précautions qui la suffoquaient. Dans son peu de pratique des femmes, il tâchait de raisonner l'histoire qu'elle lui avait contée, frappé à cette heure de petits détails, devenu perplexe. Mais toute sa logique fuyait. À quoi bon se casser le crâne inutilement? Qu'elle lui dit la vérité ou qu'elle lui mentit, pour ce qu'il voulait faire d'elle, il s'en moquait. Le lendemain, elle reprendrait la porte. Bonjour, bonsoir, et ce serait fini. On ne se reverrait jamais plus. Au jour seulement, comme les étoiles pâlissaient, il parvint à s'endormir. Derrière le paravent, elle, malgré la fatigue écrasante du voyage, continuait à s'agiter, tourmentée par la lourdeur de l'air, sous le zinc chauffé du toit. Et elle se gênait moins. Elle eut une brusque secousse d'impatience nerveuse, un soupir irrité de vierge, dans le malaise de cet homme qui dormait là, près d'elle. Le matin, Claude, en ouvrant les yeux, battit des paupières. Il était très tard. Une large nappe de soleil tombait de la baie vitrée. C'était une de ces théories que les jeunes peintres du plein air devaient louer les ateliers dont ne voulaient pas les peintres académiques, ceux que le soleil visitait de la flamme vivante de ses rayons. Mais un premier ahurissement l'avait fait s'asseoir, les jambes nues. Pourquoi diable se trouvait-il couché sur son divan? Et il promenait ses yeux, encore troubles de sommeil, quand il aperçut, à moitié caché par le paravent, un paquet de jupes. Ah oui, cette fille, il se souvenait. Il prêta l'oreille, il entendit une respiration longue et régulière d'un bien-être d'enfant. Bon, elle dormait toujours, et si calme que ce serait dommage de la réveiller. Il restait étourdi, il se grattait les jambes, ennuyé de cette aventure dans laquelle il retombait, et qui allait lui gâter sa matinée de travail. Son cœur tendre l'indignait. Le mieux était de la secouer pour qu'elle filât tout de suite. Cependant, il passa un pantalon doucement, chaussa des pantoufles, marcha sur la pointe des pieds. Le coucou sonna 9 heures, et Claude eut un geste inquiet. Rien n'avait bougé. Le petit souffle continua. Alors il pensa que le mieux était de se remettre à son grand tableau. Il ferait son déjeuner plus tard, quand il pourrait remuer. Mais il ne se décidait point. Lui, qui vivait là, dans un désordre abominable, était gêné par le paquet des jupes glissées à terre. De l'eau avait coulé, les vêtements étaient trempés encore, et tout en étouffant des grognements, il finit par les ramasser un à un et par les étendre sur des chaises au grand soleil. S'il était permis de tout jeter ainsi à la débandade, jamais ça ne serait sec, jamais elle ne s'en irait. Il tournait et retournait maladroitement ses chiffons de femme, s'embarrassait dans le corsage de laine noire, cherchait à quatre pattes les bas, tombés derrière une vieille toile. C'étaient des bas de fil d'Écosse, d'un gris cendré, long et fin, qu'il examina avant de les pendre. Le bord de la robe les avait mouillés, eux aussi, et il les étira, il les passa entre ses mains chaudes pour la renvoyer plus vite. Depuis qu'il était debout, Claude avait envie d'écarter le paravent et de voir. Cette curiosité, qu'il jugeait bête, redoublait sa mauvaise humeur. Enfin, avec son haussement d'épaule habituel, il empoignait ses brosses lorsqu'il eut des mots balbutiés au milieu d'un grand froissement de linge. Et la laine douce reprit, et il céda cette fois, lâchant les pinceaux, passant la tête. Mais ce qu'il aperçut l'immobilisa, grave, extasié, murmurant « Un fichtre, un fichtre !» La jeune fille, dans la chaleur de serre qui tombait des vitres, venait de rejeter le drap. Et anéantie sous l'accablement des nuits sans sommeil, elle dormait, baignée de lumière, si inconsciente que pas une onde ne passait par sa nudité pure. Pendant sa fièvre d'insomnie, les boutons des épaulettes de sa chemise avaient dû se détacher. Toute la manche gauche glissait, découvrant la gorge. C'était une chair dorée, d'une finesse de soie, le printemps de la chair, de petits seins rigides, gonflés de sève, où pointaient de roses pâles. Elle avait passé le bras droit sous sa nuque. Sa tête ensommeillée se renversait, sa poitrine confiante s'offrait dans une adorable ligne d'abandon, tandis que ses cheveux noirs, dénoués, la vêtaient encore d'un manteau sombre. Ah, fichtre, elle est vraiment bien. C'était ça, tout à fait ça. La figure qu'il avait inutilement cherchée pour son tableau est presque dans la pose. Un peu mince, un peu grêle d'enfance, mais si souple, d'une jeunesse si fraîche, et avec ça, des seins déjà mûrs. Où diable la cachait-elle la veille, cette gorge-là, qu'il ne l'avait pas devinée, une vraie trouvaille? Légèrement, Claude courut prendre sa boîte de pastel et une grande feuille de papier. Puis, accroupi au bord d'une chaise basse, il posa sur ses genoux un carton. Il se mit à dessiner, d'un air profondément heureux. Tout son trouble, sa curiosité charnelle, son désir combattu, aboutissaient à cet émerveillement d'artiste, à cet enthousiasme pour les beaux tons et les muscles bien emmanchés. Déjà, il avait oublié la jeune fille. Il était dans le ravissement de la neige des seins, éclairant l'ambre délicat des épaules. Une modestie inquiète le rapetissait devant la nature. Il serrait les coudes, il redevenait un petit garçon, très sage, attentif et respectueux. Cela dura près d'un quart d'heure. Il s'arrêtait parfois, clignait les yeux. Mais il avait peur qu'elle ne bougeât. Il se remettait vite à la besogne, en retenant sa respiration, par crainte de l'éveiller. Cependant, de vagues raisonnements recommençaient à bourdonner en lui, dans son application au travail. Qui pouvait-elle être? À coup sûr, pas une gueuse, comme il l'avait pensé, car elle était trop fraîche. Mais pourquoi lui avait-elle conté une histoire si peu croyable? Et il imaginait d'autres histoires. Une débutante tombée à Paris avec un amant qu'il avait lâché. Ou bien une petite bourgeoise débauchée par une amie n'osait rentrer chez ses parents. Ou encore un drame plus compliqué, des perversions ingénues et extraordinaires, des choses effroyables qu'il ne saurait jamais. Ces hypothèses augmentaient son incertitude. Il passa l'ébauche du visage en l'étudiant avec soin. Le haut était d'une grande bonté, d'une grande douceur, le front limpide, uni comme un clair miroir, le nez petit, aux fines ailes nerveuses. Et l'on sentait le sourire des yeux sous les paupières, un sourire qui devait illuminer toute la face. Seulement, le bas gâtait ce rayonnement de tendresse, la mâchoire avançait, les lèvres trop fortes saignaient, montrant des dents solides et blanches. C'était comme un coup de passion, la puberté grondante, et qui s'ignorait, dans ses traits noyés, d'une délicatesse enfantine. Brusquement, un frisson courut, pareil à une moire sur le satin de sa peau. Peut-être avait-elle senti enfin son regard d'homme qui la fouillait. Elle ouvrit les paupières toutes grandes, elle poussa un cri. « Ah, mon Dieu !» Une stupeur la paralysa, ce lieu inconnu, ce garçon en manche de chemise, accroupi devant elle, la mangeant des yeux. Puis, dans un élan éperdu, elle ramena la couverture, l'écrasa de ses deux bras sur sa gorge, le sang fouetté d'une telle angoisse pudique que la rougeur ardente de ses joues coula jusqu'à la pointe de ses seins en une fleur rose. « Eh bien, quoi donc ?» cria Claude. Mécontent, le crayon en l'air, « que vous prend-il ?» Elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus, le drap serré au cou, pelotonné, replié sur elle-même, bossuant à peine le lit. « Je ne vous mangerai pas, peut-être. Voyons, soyez gentil, remettez-vous comme vous étiez. » Un nouveau flot de sang lui rougit les oreilles, elle finit par bégayer. « oh non, monsieur !» Mais lui se fâchait peu à peu, dans une de ces brusques poussées de colère dont il était coutumier. Cette obstination lui semblait stupide. « Dites, qu'est-ce que ça peut vous faire? En voilà un grand malheur. Si je sais comment vous êtes bâti, j'en ai vu d'autres. » Alors elle sanglota, et il s'emporta tout à fait, désespéré devant son dessein, jeté hors de lui par la pensée qu'il ne l'achèverait pas, que la pruderie de cette fille l'empêcherait d'avoir une bonne étude pour son tableau. « Vous ne voulez pas, hein? Mais c'est imbécile! Pour qui me prenez-vous? Est-ce que je vous ai touché? Dites! Si j'avais songé à des bêtises, j'aurais eu l'occasion belle cette nuit! » « Ah, ce que je m'en moque, ma chère, vous pouvez bien tout montrer. Et puis, écoutez, ce n'est pas très gentil de me refuser ce service, car enfin, je vous ai ramassé, vous avez couché dans mon lit. » Elle pleurait plus fort, la tête cachée au fond de l'oreiller. « Je vous jure que j'en ai besoin, autrement je ne vous tourmenterai pas. » Tant de larmes le surprenaient. Une honte lui venait de sa rudesse, et il se tut, embarrassé. Il la laissa se calmer un peu, ensuite il recommença, d'une voix très douce. « Voyons. » Puisque ça vous contrarie, n'en parlons plus. Seulement si vous saviez. J'ai là une figure de mon tableau qui n'avance pas du tout, et vous étiez si bien dans la note. Moi, quand il s'agit de cette sacrée peinture, j'égorgerai père et mère. N'est-ce pas? Vous m'excusez. Et tenez, si vous étiez aimable, vous me donneriez encore quelques minutes? Non, non, restez tranquille. Pas le torse. Je ne demande pas le torse. La tête, rien que la tête. Si je pouvais finir la tête, au moins. De grâce, soyez aimable, remettez votre bras comme il était, et je vous en serai reconnaissant, voyez-vous, oh, reconnaissant toute ma vie. » À cette heure, il suppliait, il agitait pitoyablement son crayon, dans l'émotion de son gros désir d'artiste. Du reste, il n'avait pas bougé, toujours accroupi sur la chaise basse, loin d'elle. Alors, elle se risqua, découvrit son visage apaisé. Que pouvait-elle faire? Elle était à sa merci, et il avait l'air si malheureux. Pourtant, elle eut une hésitation, une dernière gêne. Et lentement, sans dire un mot, elle sortit son bras nu, elle le glissa de nouveau sous sa tête, en ayant bien soin de tenir, de son autre main, restée cachée, la couverture tamponnée autour de son cou. « Ah, que vous êtes bonne, je vais me dépêcher, vous serez libre tout de suite. » Il s'était courbé sur son dessin, il ne lui jetait plus que ses clairs regards du peintre, pour qui la femme a disparu et qui ne voit que le modèle. D'abord, elle était redevenue rose. La sensation de son bras nu, de ce peu d'elle-même qu'elle aurait montré ingénument dans un bal, l'emplissait là de confusion. Puis ce garçon lui parut si raisonnable qu'elle se tranquillisa, les joues refroidies, la bouche détendue en un vague sourire de confiance. Et entre ses paupières mi-closes, elle l'étudiait à son tour. Comme il l'avait terrifiée depuis la veille, avec sa forte barbe, sa grosse tête, ses gestes emportés. Il n'était pas laid, pourtant. Elle découvrait au fond de ses yeux bruns une grande tendresse, tandis que son nez la surprenait, lui aussi, un nez délicat de femme, perdu dans les poils hérissés des lèvres. Un petit tremblement d'inquiétude nerveuse le secouait. Une continuelle passion qui semblait faire vivre le crayon au bout de ses doigts minces, et dont elle était très touchée, sans savoir pourquoi. Ce ne pouvait être un méchant. Il ne devait avoir que la brutalité des timides. Tout cela, elle ne l'analysait pas très bien, mais elle le sentait, elle se mettait à l'aise, comme chez un ami. L'atelier, il est vrai, continuait à l'effarer un peu. Elle y jetait des regards prudents, stupéfait d'un tel désordre et d'un tel abandon. Devant le poêle, les cendres du dernier hiver s'amoncelaient encore. Outre le lit, la petite table de toilette et le divan, il n'y avait d'autres meubles qu'une vieille armoire de chêne disloquée et qu'une grande table de sapin encombrée de pinceaux, de couleurs, d'assiettes sales, d'une lampe à esprit de vin, sur laquelle était restée une casserole, barbouillée de vermicelle. Des chaises dépaillées se démandaient parmi des chevalets boiteux. Près du divan, la bougie de la veille traînait par terre dans un coin du parquet qu'on devait balayer tous les mois. Il n'y avait que le coucou, un coucou énorme, enluminé de fleurs rouges, qui parut gai et propre, avec son tic-tac sonore. Mais ce dont elle s'effrayait surtout, c'était des esquisses pendues au mur, sans cadre, un flot épais d'esquisses, qui descendaient jusqu'au sol, où ils s'amassaient en un éboulement de toiles jetées pêle-mêle. Jamais elle n'avait vu une si terrible peinture, rugueuse, éclatante, d'une violence de ton qui la blessait comme un juron de charretier entendu sur la porte d'une auberge. Elle baissait les yeux, attirée pourtant par un tableau retourné, le grand tableau auquel travaillait le peintre, et qu'il poussait chaque soir vers la muraille, afin de le mieux juger le lendemain, dans la fraîcheur du premier coup d'œil. Que pouvait-il cacher celui-là, pour qu'on n'osât même pas le montrer? Et au travers de la vaste pièce, la nappe de brûlant soleil, tombée des litres, voyageait, sans être tempérée par le moindre store, coulant ainsi qu'un or liquide sur tous ces débris de meubles dont elle accentuait l'insoucieuse misère. Claude finit par trouver le silence lourd. Il voulut dire un mot, n'importe quoi, dans l'idée d'être poli, et surtout pour la distraire de la pause. Mais il eut beau chercher, il n'imagina que cette question. « Comment vous nommez-vous ? » Elle ouvrit les yeux qu'elle avait fermés comme reprise de sommeil. « Christine. » Alors il s'étonna. Lui non plus n'avait pas dit son nom. Depuis la veille, ils étaient là, côte à côte, sans se connaître. « Moi, je me nomme Claude. » Et, l'ayant regardé à ce moment, il la vit qui éclatait d'un joli rire. C'était l'échappée joueuse d'une grande fille encore gamine. Elle trouvait drôle cet échange tardif de leurs noms. Puis une autre idée l'amusa. « Tiens, Claude, Christine, ça commence par la même lettre. » Le silence retomba. Il clignait les paupières, s'oubliait, se sentait à bout d'imagination. Mais il crut remarquer en elle un malaise d'impatience, et dans la terreur qu'elle ne bougea, il reprit au hasard, pour l'occuper, « Il fait un peu chaud. » Cette fois, elle étouffa son rire, cette gaieté native qui renaissait, partait malgré elle, depuis qu'elle se rassurait. La chaleur devenait si forte qu'elle était dans le lit comme dans un bain, la peau, moitié pâlissante, de la pâleur laiteuse des camélias. « Oui, un peu chaud, » répondit-elle sérieusement, tandis que ses yeux s'égayaient. Claude alors conclut de son air bonhomme, « C'est ce soleil qui entre. Mais bon, ça fait du bien, un bon coup de soleil dans la peau. Dites donc, cette nuit, nous aurions besoin de ça sous la porte. » Tous deux éclatèrent et lui, enchanté d'avoir découvert enfin un sujet de conversation, la questionna sur son aventure, sans curiosité, se souciant peu au fond de savoir la vérité vraie, uniquement désireux de prolonger la séance. Christine, simplement, en quelques paroles, conta les choses. C'était la veilleux matin qu'elle avait quitté Clermont, pour venir à Paris, où elle allait entrer comme lectrice chez la veuve d'un général, Madame Bronzade, une vieille dame très riche qui habitait Passy. Le train, réglementairement, arrivait à 9h10 et toutes les précautions étaient prises. Une femme de chambre devait l'attendre, on avait même fixé par lettre un signe de reconnaissance, une plume grisée à son chapeau noir. Mais voilà que son train était tombé, un peu au-dessus de Nevers, sur un train de marchandises dont les voitures déraillées et brisées obstruaient la voie. Alors avait commencé une série de contretemps et de retards. D'abord, une interminable pause dans les wagons immobiles, puis l'abandon forcé de ces wagons, les bagages, laissés là en arrière, les voyageurs obligés de faire 3 kilomètres à pied pour atteindre une station, et l'on s'était décidé à former un train de sauvetage. On avait perdu 2 heures, et 2 autres encore furent perdues dans le trouble que l'accident occasionnait, d'un bout à l'autre de la ligne. Si bien qu'on était entré en gare avec 4 heures de retard à 1 heure du matin seulement. « Pas de chance !» interrompit Claude, toujours incrédule, combattu pourtant, surpris de la façon aisée dont s'arrangeaient les complications de cette histoire. Et naturellement, personne ne vous attendait plus. En effet, Christine n'avait pas trouvé la femme de chambre de Madame Bronzade, qui sans doute s'était lassée. Et elle disait son émoi dans la gare de Lyon, cette grande halle inconnue, noire, vide, bientôt déserte, à 7 heures avancées de la nuit. D'abord, Elle n'avait point osé prendre une voiture, se promenant avec son petit sac, espérant que quelqu'un viendrait. Puis, elle s'était décidée, mais trop tard, car il n'y avait plus là qu'un cocher très sale, empestant le vin, qui rôdait autour d'elle, en s'offrant d'un air goguenard. « Oui, un rouleur, » reprit Claude, intéressé maintenant, comme s'il eût assisté à la réalisation d'un conte bleu. « Et vous êtes monté dans sa voiture ?» Les yeux au plafond, Christine continua, sans quitter la pose. « C'est lui qui m'a forcé. Il m'appelait sa petite, il me faisait peur. Quand il a su que j'allais à Passy, il s'est fâché, il a fouetté son cheval si fort que j'ai dû me cramponner aux portières. Puis, je me suis rassuré un peu, le fiacre roulait doucement dans des rues éclairées, je voyais du monde sur les trottoirs. Enfin, j'ai reconnu la Seine. Je ne suis jamais venu à Paris, mais j'avais regardé un plan. Et je pensais qu'il filerait tout le long des quais, lorsque j'étais reprise de peur, en m'apercevant que nous passions sur un pont. Justement, la pluie commençait. Le fiacre, qui avait tourné dans un endroit très noir, s'est brusquement arrêté. C'était le cocher qui descendait de son siège et qui voulait entrer avec moi dans la voiture. Il disait qu'il pleuvait trop. Claude se mit à rire. Il ne doutait plus. Elle ne pouvait inventer ce cocher-là. Comme elle se taisait, embarrassée. Bon, le farceur plaisantait. Tout de suite, j'ai sauté sur le pavé par l'autre portière. Alors il a juré. Il m'a dit que nous étions arrivés et qu'il m'arracherait mon chapeau si je ne le payais pas. La pluie tombait à torrents. Le quai était absolument désert. Je perdais la tête, j'ai sorti une pièce de 5 francs, et il a fouetté son cheval, et il est parti en emportant mon petit sac, où il n'y avait heureusement que 2 mouchoirs, une moitié de brioche et la clé de ma malle restée en route. « Mais on prend le numéro de la voiture !» cria le peintre indigné. Maintenant il se souvenait d'avoir été frôlé par un fiacre fuyant à toute roue, comme il traversait le pont Louis-Philippe dans le ruissellement de l'orage. Il s'émerveillait de l'invraisemblance de la vérité, souvent. Ce qu'il avait imaginé, pour être simple et logique, était tout bonnement stupide à côté de ce cours naturel des infinies combinaisons de la vie. « Vous pensez si j'étais heureuse sous cette porte ?» acheva Christine. « Je savais bien que je n'étais pas à Passy. J'allais donc coucher la nuit là, dans ce Paris terrible, et ces tonnerres, et ces éclairs, oh, ces éclairs tout bleus, tout rouges, qui me montraient des choses à faire trembler. » Ses paupières de nouveau s'étaient closes, un frisson pâlit son visage. Elle revoyait la cité tragique, cette trouée des quais s'enfonçant dans les rougeoiements de fournaises, ce fossé profond de la rivière, roulant des eaux de plomb, encombrée de grands corps noirs, de chalands parés à des baleines mortes, hérissées de grilles mobiles, qui allongeaient des bras de potence. Était-ce donc là une bienvenue? Il y eut un silence. Claude s'était remis à son dessin, mais elle remua, son bras s'engourdissait. « Le coude un peu rabattu, je vous prie. » Puis d'un air d'intérêt, pour s'excuser. « Ce sont vos parents qui doivent être dans la désolation s'ils ont pris la catastrophe. Je n'ai pas de parents. Comment? Ni père ni mère, vous êtes seul? Oui, toute seule. » Elle avait 18 ans et elle était née à Strasbourg, par hasard, entre 2 changements de garnison de son père, le capitaine Algrin. Comme elle entrait dans sa 12e année, ce dernier, un Gascon de Montauban, était mort à Clermont, où une paralysie des jambes l'avait forcé de prendre sa retraite. Pendant près de 5 ans, sa mère, qui était parisienne, avait vécu là-bas, en province, ménageant sa maigre pension, travaillant, peignant des éventails, pour achever d'élever sa fille en demoiselle. Et depuis 15 mois, elle était morte à son tour, la laissant seule au monde, sans un sou, avec l'unique amitié d'une religieuse, la supérieure des sœurs de la Visitation, qu'il avait gardée dans son pensionnat. C'était du couvent qu'elle arrivait tout droit, la supérieure ayant fini par lui trouver cette place de lectrice, chez sa vieille amie, Madame Banzade, devenue presque aveugle. Claude restait muet à ces nouveaux détails. Ce couvent, cette orpheline bien élevée, cette aventure qui tournait au romanesque, le rendait à son embarras, à sa maladresse de gestes et de paroles. Il ne travaillait plus, les yeux baissés sur son croquis. « C'est joli, Clermont ? » demanda-t-il enfin. « Pas beaucoup, une ville noire. Puis, je ne sais guère, je sortais à peine. » Elle s'était accoudée, elle continua très bas, comme se parlant à elle-même, d'une voix encore brisée des sanglots de son deuil. Maman, qui n'était pas forte, se tuait à la besogne. Elle me gâtait. Il n'y avait rien de trop beau pour moi. J'avais des professeurs de tout, et je profitais si peu. D'abord j'étais tombé malade, puis je n'écoutais pas, toujours à rire, le sang à la tête. La musique m'ennuyait. Des crampes me tordaient les bras au piano. C'est encore la peinture qui allait le mieux. Il leva la tête, il l'interrompit d'une exclamation. « Vous savez peindre ? Oh non, Je ne sais rien, rien du tout. Maman, qui avait beaucoup de talent, me faisait faire un peu d'aquarelle. Et je l'aidais parfois pour les fonds de ses éventails. Elle en peignait de si beaux. Elle eut, malgré elle, un regard autour de l'atelier, sur les esquisses terrifiantes dont les murs flambaient. Et dans ses yeux clairs, un trouble reparut, l'étonnement inquiet de cette peinture brutale. De loin, elle voyait à Lambert l'étude que le peintre avait ébauchée d'après elle, si consternée des tons violents, des grands traits de pastel sabrant les ombres, qu'elle n'osait demander à la regarder de près. D'ailleurs, mal à l'aise dans ce lit où elle brûlait, elle s'agitait, tourmentée de l'idée de s'en aller, d'en finir avec ces choses qui lui semblaient un songe depuis la veille. Sans doute, Claude eut conscience de cet énervement. Une brusque honte l'emplit de regrets. Il lâcha son dessin inachevé et il dit très vite « Merci bien de votre complaisance, mademoiselle. Pardonnez-moi, j'abusais vraiment. Levez-vous, je vous en prie. Il est temps d'aller à vos affaires. » Et sans comprendre pourquoi elle ne se décidait pas, rougissante, renfonçant au contraire son bras nu à mesure qu'il s'empressait devant elle, il lui répétait de se lever. Puis il eut un geste de fou, il replaça le paravent et gagna l'autre bout de l'atelier en se jetant à une exagération de pudeur qui lui fit ranger bruyamment sa vaisselle pour qu'elle pût sauter du lit et se vêtir sans craindre d'être écoutée. Au milieu du tapage qu'il déchaînait, il n'entendait pas une voix hésitante. « Monsieur, monsieur !» Enfin il tendit l'oreille. « Monsieur, si vous étiez assez obligeant, je ne trouve pas mes bas. » Il se précipita. « Où est-il la tête ?» Que voulait-il qu'elle devint, en chemise derrière ce paravent, sans les bas et les jupes qu'il avait étendues au soleil? Les bas étaient secs. Il s'en assura en les frottant doucement. Puis il les passa par-dessus la mince cloison et il aperçut une dernière fois le bras nu, frais et rond, d'un charme d'enfance. Il lança ensuite les jupes sur le pied du lit, poussa les bottines, ne laissa que le chapeau pendu à un chevalet. Elle avait dit merci. Elle ne parlait plus. Il distingua à peine des frôlements de linge, des bruits discrets d'eau remuée. Mais lui continuait de s'occuper d'elle. Le savon est dans une soucoupe, sur la table. Ouvrez le tiroir, n'est-ce pas, et prenez une serviette propre. Voulez-vous de l'eau davantage? Je vous passerai le broc. L'idée qu'il retombait dans ses maladresses l'exaspéra tout à coup. Allons, voilà que je vous embête encore. Faites comme chez vous. Il retourna à son ménage. Un débat l'agitait. Devait-il lui offrir un déjeuner? Il était difficile de la laisser partir ainsi. D'autre part, ça n'en finirait plus. Il allait perdre décidément sa matinée de travail. Sans rien résoudre, après avoir allumé sa lampe à esprit de vin, il lava la casserole et se mit à faire du chocolat, ce qu'il jugeait plus distingué. Sourdement honteux de son vermicelle, une pâtée où il coupait du pain et qu'il baignait d'huile à la mode du midi. Mais il émiettait encore le chocolat dans la casserole lorsqu'il eut une exclamation. « Comment, déjà ?» C'était Christine, qui repoussait le paravent et qui apparaissait, nette et correcte, dans ses vêtements noirs, lacés, boutonnés, équipés en un tour de main. Son visage rosé ne gardait même pas l'humidité de l'eau. Son lourd chignon se tordait sur sa nuque sans qu'une mèche dépassât. Et Claude restait béant devant ce miracle de promptitude, cet entrain de petite ménagère à s'habiller vite et bien. « Ah, fichtre, si vous faites tout comme ça !» Il la trouvait plus grande et plus belle qu'il n'aurait cru. Ce qui le frappait surtout, c'était son air de tranquille décision. Elle ne le craignait plus, évidemment. Il semblait qu'au sortir de ce lit défait, où elle se sentait sans défense, elle lui remit son armure, avec ses bottines et sa robe. Elle souriait, le regardait droit dans les yeux. Il dit ce qu'il hésitait encore à dire. « Vous allez déjeuner avec moi, n'est-ce pas ?» Mais elle refusa. « Non merci, je vais courir à la gare, où ma malle est sûrement arrivée, et je me ferai conduire ensuite à Passy. » Vainement, il lui répéta qu'elle devait avoir faim, que ce n'était guère raisonnable de sortir ainsi sans manger. « Alors je descends vous chercher un fiacre. »« Non, je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine. »« Voyons, vous ne pouvez faire un pareil voyage à pied. Permettez-moi au moins de vous accompagner jusqu'à la station de voiture, puisque vous ne connaissez point Paris. »« Non, non, je n'ai pas besoin de vous. Si vous voulez être aimable, laissez-moi m'en aller toute seule. » C'était un parti pris. Sans doute, elle se révoltait à l'idée d'être rencontrée avec un homme, même par des inconnus. Elle tairait sa nuit, elle mentirait et garderait pour elle le souvenir de l'aventure. Lui, d'un geste colère, affecta de l'envoyer au diable. « Bon débarras !» Ça l'arrangerait de ne pas descendre. Il demeurait blessé au fond. Il la trouvait ingrate. « Comme il vous plaira, après tout, je n'emploierai pas la force. » À cette phrase, le sourire vague de Christine augmenta, abaissa finement les coins délicats de ses lèvres. Elle ne dit rien, elle reprit son chapeau, chercha du regard une glace. Puis, n'en trouvant pas, elle se décida à nouer les brides au petit bonheur des doigts. Les coudes levés, elle roulait, tirait les rubans sans hâte, le visage dans le reflet doré du soleil. Surpris, Claude ne reconnaissait plus les traits d'une douceur enfantine qu'il venait de dessiner. Le haut semblait noyé, le front limpide, les yeux tendres. C'était à présent le bas qui avançait, la mâchoire passionnée, la bouche saignante, aux belles dents, et toujours ce sourire énigmatique des jeunes filles qui raillaient peut-être. En tout cas, reprit-il agacé, je ne pense pas que vous ayez un reproche à me faire. Alors elle ne put retenir son rire, un léger rire nerveux. Non, non, monsieur, pas le moindre. Il continua à la regarder, rendu au combat de ses timidités et de ses ignorances, craignant d'avoir été ridicule. Que savait-elle donc, cette grande demoiselle? Sans doute ce que les filles savent en pension, tout et rien. C'est l'insondable, l'obscure éclosion de la chair et du cœur, où personne ne descend. Dans ce lieu libre d'artiste, cette pudique sensuelle venait-elle de s'éveiller, avec sa curiosité et sa crainte confuse de l'homme? Maintenant qu'elle ne tremblait plus, avait-elle la surprise, un peu méprisante, d'avoir tremblé pour rien? Quoi? Pas une galanterie, pas même un baiser sur le bout des doigts? L'indifférence bourrue de ce garçon qu'elle avait senti devait irriter en elle la femme qu'elle n'était pas encore. Et elle s'en allait ainsi, changée, énervée, faisant la brave dans son dépit, emportant le regret inconscient des choses inconnues et terribles qui n'étaient pas arrivées. « Vous dites, reprit-elle en redevenant grave, que la station de voiture est au bout du pont, sur l'autre quai? Oui, à l'endroit où il y a un bouquet d'arbres. » Elle avait achevé de nouer ses brides, elle était prête, gantée, les mains ballantes, et elle ne partait pas, regardant devant elle. Ses yeux ayant rencontré la grande toile tournée contre le mur, elle eut envie de demander à la voir, puis elle n'osa pas. Rien ne la retenait plus, elle avait pourtant l'air de chercher encore, comme si elle avait eu la sensation de laisser là quelque chose, une chose qu'elle n'aurait pu nommer. Enfin, elle se dirigea vers la porte. Claude l'ouvrit et un petit pain posé debout tomba dans l'atelier. « Vous voyez, vous auriez dû déjeuner avec moi. C'est ma concierge qui me montre ça tous les matins. » Elle refusa de nouveau d'un signe de tête. Sur le palier, elle se retourna, se tint un instant immobile. Son gai sourire était revenu. Elle tendit la main à la première. « Merci, merci bien. » Il avait pris la petite main gantée dans sa main large, tachée de pastel. Toutes deux demeurèrent ainsi quelques secondes, serrées étroitement, se secouant en bonne amitié. La jeune fille lui souriait toujours. Il avait sur les lèvres une question. « Quand vous reverrai-je ? » Mais une honte l'empêcha de parler. Alors, après avoir attendu, elle dégagea sa main. « Adieu, monsieur. »« Adieu, mademoiselle. » Christine, déjà sans lever la tête, descendait l'échelle de meunier, dont les marches craquaient. Et Claude, brutalement, rentra chez lui, referma la porte à la volée, en disant très haut « Ah, cet honneur de Dieu de femme !» Il était furieux, enragé contre lui, enragé contre les autres. Tout en bousculant du pied les meubles qu'il rencontrait, il continuait de se soulager à pleine voix. Comme il avait raison de ne jamais en laisser monter une, ces gueuses-là n'étaient bonnes qu'à vous faire tourner en bourrique. Ainsi qu'il lui assurait que celle-ci, avec son air innocent, ne s'était pas abominablement fichue de lui. Et il avait eu la bêtise de croire des contes à dormir debout. Tous ses doutes revenaient. Jamais on ne lui ferait avaler la veuve du général, ni l'accident de chemin de fer, ni surtout le cocher. Est-ce que des histoires pareilles arrivaient? D'ailleurs, elle avait une bouche qui en disait long. Son air était drôle au moment de filer. Encore, s'il eût compris pourquoi elle mentait. Mais non! Des mensonges sans profit, inexplicables, l'art pour l'art. Ah, elle riait bien à cette heure. Violemment, il replia le paravent et l'envoya dans un coin. Elle avait dû lui en laisser un désordre. Et quand il constata que tout se trouvait rangé, très propre, la cuvette, la serviette, le savon, il s'emporta parce qu'elle n'avait pas fait le lit. Il se mit à le faire, d'un effort exagéré, saisit à plein bras le matelas tiède encore, tapa ses deux poings l'oreiller odorant, étouffé par cette tiédeur, cette odeur pure de jeunesse qui montait des linges. Ensuite, il se débarrouilla à grande eau pour se rafraîchir les tempes. Et dans la serviette humide, il retrouva le même étouffement, cette haleine de vierge, dont la douceur éparse, errante par l'atelier, l'oppressait. Ce fut en jurant qu'il mangea son chocolat dans la casserole, si enfiévré, si enragé de peindre, qu'il avalait en hâte de grosses bouchées de pain. « Mais on meurt ici, cria-t-il brusquement. C'est la chaleur qui me rend malade. Le soleil s'en était allé, il faisait moins chaud. Et Claude, ouvrant une petite fenêtre au ras du toit, respira d'un air de profond soulagement la bouffée de vent embrasé qui rentrait. Il avait pris son dessin, la tête de Christine, et il s'oublia longtemps à la regarder.